Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Le véritable combat spirituel commence au niveau des pensées. Je vais dire à quelqu'un, pourquoi tu te laisses envahir par des pensées négatives? Tu dois apprendre à prier et à renverser tous les raisonnements que l'ennemi est en train de t'inculquer, d'apitoiement, de soucis, d'angoisse. Refuse cela et tu dois tourner tes regards vers le Seigneur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Genèse 31, 1 à 21. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons Genèse 31 à partir du verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que je servis votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, « Les rayés seront ton salaire. » Toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Il dit, « Lève les yeux et regarde. » Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce qui était fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage à la maison de notre père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il les mena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padan Aram, il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les teraphim de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'ensuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Amen. Je voudrais partager avec vous 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Lorsque Dieu nous bénit, cela suscite la jalousie des autres, y compris parfois nos patrons. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu dois être conscient, quand Dieu te bénit, Quand, par exemple, tu as donné des témoignages, même à l'église, « Oui, je viens d'acheter une maison, je viens d'acheter un terrain. » Lorsque les gens entendent des témoignages, « Oui, on vient de me nommer à un poste de responsabilité. » Les gens voient que tu as une nouvelle voiture. Il y a ceux qui vont glorifier Dieu, mais cela va susciter la jalousie d'autres personnes. C'est ce que nous voyons ici avec Jacob. Jacob a travaillé pendant 14 années chez Laban et il n'avait pas eu de salaire. Et quand il a demandé maintenant à son beau-père Laban le salaire, ils se sont attendus. Et celui-ci lui a autorisé de commencer à prendre comme salaire certaines brebis, soit des tachetées, soit des rayées. Et avec cela, Dieu l'a béni. Mais quand ils ont vu, quand Laban et ses enfants ont vu que Jacob est devenu riche, cela a suscité jalousie. Écoutez ce que le texte dit. Jacob entendit les propos des filles de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Et Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Il y a des gens, quand tu es béni, ils vont commencer à te regarder avec les mauvais yeux. Tu vas voir même ton ami intime qui te saluait. Mais il ne te salue plus comme il se doit. On dirait qu'il y a un problème entre toi et lui. C'est la jalousie. Il a vu ta bénédiction. Il a vu ton mariage. Il a vu comment Dieu t'a béni. Quand tu portes des jolies robes, quand tu portes des bijoux, il y a des gens qui sont mécontents. Tu vas les voir parfois par les regards. Deuxième vérité. Lorsque nous vivons des moments d'hostilité, il y a deux choses importantes que nous devons faire. La première chose, nous devons suivre la direction divine. Quand tu vis dans un lieu, dans un endroit où tu commences à sentir que les gens t'en veulent, les gens sont prêts à en découdre avec toi à cause de la jalousie, il faut suivre la direction divine. Il faut prier Dieu. Dieu peut te dire, voici ce qu'il faut faire. Pour Jacob, Dieu lui a dit, le temps maintenant de te séparer de Laban, ton beau-père, est arrivé. Le temps de retourner dans ton pays avec tes femmes et tes enfants est arrivé. Vous voyez, parfois l'hostilité que nous rencontrons peut vouloir nous dire, c'est un message qui nous montre que nous devons maintenant nous déplacer. Tu peux être dans un temps, tu peux être dans un lieu, dans une entreprise, pendant, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans. Lorsque le temps est arrivé, il faut savoir lire les signes des temps. Deuxième élément, quand nous vivons l'adversité, nous devons apprendre à partager nos douleurs avec quelqu'un. Oui, c'est pourquoi nous devons avoir des gens qui sont intimes. Au lieu de ruminer les choses dans le cœur, nous voyons ici, Jacob en avait marre. Il a vécu un certain nombre de choses qui étaient difficiles à accepter. Et il a choisi de partager avec ses deux femmes, Rachel et Léa. Lorsque tu as un problème, il faut chercher quelqu'un avec qui tu peux partager pour te défouler. Et c'est ce qu'il a fait. C'est important. Et souvent, c'est important parfois d'avoir un ami avec qui tu peux partager, de voir ton pasteur, d'avoir ton encadré pour lui dire ce qui te ronge. Il ne faut pas garder ton problème dans le cœur. C'est ce que Jacob a fait. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Au verset 4, Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père, qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi. Et il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Donc il a vidé son cœur. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager ses difficultés, ses problèmes. Troisième vérité, évitons de commettre certaines erreurs, même quand nous vivons dans des moments d'adversité. Ici, Jacob a commis 2 erreurs. La première, c'est lui-même qui l'a commise. La deuxième, c'est Rachel, sa femme. Première erreur, il s'est séparé de sa belle famille par le mensonge, sans avertir. Vous voyez, même si Dieu lui a dit de retourner, Dieu n'a pas dit, il ne faut pas dire au revoir. Nous devons être des hommes de paix. Il a trompé son beau-père. Il n'a même pas dit que voilà, moi je vais retourner chez moi. Et c'est 3 jours après que son beau-père va apprendre que Jacob est parti avec ses 2 filles, avec les enfants, avec les brebis. Évitons de telles erreurs. Soyons des hommes de paix et soyons sages. Deuxième erreur, c'est l'erreur commise par Rachel. Voler les téraphimes ou les dieux de son père. Il y a des choses, quand vous les touchez, vous ne savez pas les conséquences qui vont s'en suivre. Surtout nous qui sommes chrétiens. Tu es chrétien, tu as servi Jésus-Christ. Et comment se fait-il que tu vas prendre parfois des habits ou bien des canaries, des choses que l'on utilise pour invoquer les esprits et tu vas les prendre dans tes bagages? Il y a des choses qu'on ne devait même pas trouver dans nos bagages. Les livres mystiques, les livres bizarres, des objets qu'on utilise pour invoquer les dieux, des masques bizarres. Ça, ce sont des erreurs. Et nous allons voir que cela va créer des problèmes au niveau de la famille. Évitons donc de commettre certaines erreurs qui peuvent nous coûter et coûter à notre famille. Que Dieu nous en préserve. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Se déchaîne, je les traque. jamais serai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Gloire au Seigneur, il est le Dieu bon, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu qui t'a gardé toute la nuit et il t'a donné la vie et le souffle de vie. Élève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur pour dire merci à Dieu. Tu es le Dieu d'amour, tu es infiniment grand, tu es le Dieu qui connaît tout et qui voit tout, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Oh, sois béni notre Seigneur et notre Dieu, toi qui nous comprends le mieux quand nous sommes en difficulté et que nous te présentons nos problèmes, tu nous comprends et tu agis en notre faveur, que l'honneur te revienne, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te glorifions et nous te bénissons, toi qui connais nos problèmes et qui agis en notre faveur. Merci, ô Éternel notre Dieu, toi qui nous conduis et qui nous aide à nous abstenir de tout ce qui ne te glorifie pas. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Père, toi qui nous préserve de nos ennemis et qui nous garde. Merci de nous aider à marcher selon ta parole et dans la puissance du Saint-Esprit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin sur la radio nationale des églises protestantes évangéliques, la radio Fréquence Vie. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est Genèse 31, 1 à 21. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB, qui les reçoivent par WhatsApp, à partager avec des amis et des parents. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons à partir de ces textes. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il soutienne tous ceux qui sont bénis et qui sont victimes de jalousie. Que Dieu les protège, que Dieu les préserve de leurs ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur. Bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous sommes heureux parce que Père, c'est toi qui es la source de nos bénédictions. Et c'est toi qui nous soutiens pour tout ce que tu nous as donné. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et aujourd'hui, tu bénis tes enfants et tu continues de les bénir. Et cela suscite beaucoup de jalousie au milieu de leurs amis, leurs connaissances, leurs collègues, au milieu de leur famille et même dans l'église. Et nous voulons te recommander toutes ces personnes qui sont victimes de jalousie par ce psaume numéro 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'effectivement, ta parole est la vérité. Ta parole est puissante, elle est efficace. Ta parole agit encore aujourd'hui. C'est pour cela que je suis heureux de te dire merci. Merci et merci, parce que tu es le Dieu qui protège et qui préserve tes enfants de tous leurs ennemis. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Merci. Merci de renouveler chaque jour notre confiance, notre foi en toi. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour tes anges qui nous préservent et qui combattent aussi pour nous. Merci pour cette belle journée que tu nous offres. Dans le nom de Jésus, nous avons élevé la voix pour rendre gloire à notre Dieu. En Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à suivre sa direction. Quand nous vivons des moments d'adversité, que nous puissions suivre sa direction. Si Dieu nous demande de quitter quelque part ou bien d'aller dans une direction, que nous soyons obéissants au Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prions également pour que nous ayons des personnes avec qui nous pouvons partager nos problèmes, nos douleurs, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos se trouve auprès de toi, ô Éternel, notre Dieu. Nous te disons merci pour cela, merci pour la direction du Saint-Esprit. Nous voulons nous recommander sous ta grâce afin que le Saint-Esprit de vie nous conduise à tout moment. Que nous nous retrouvons devant un problème, devant une difficulté. Merci d'aider également nos bien-aimés qui sont en train de traverser des moments difficiles. Aide-le, Seigneur, à suivre ta direction et que les puissances de l'ennemi qui peuvent les conduire ailleurs soient brisées au nom de Jésus. Sois béni, notre Seigneur et notre Dieu. Toi qui nous aides à partager nos problèmes avec les autres. Merci de nous conduire vers des gens qui peuvent réellement nous aider et aide également nos bien-aimés qui ont des problèmes à se laisser conduire par toi afin de pouvoir trouver des personnes qui peuvent réellement les aider. Sois béni, notre Seigneur, toi le Dieu Tout-Puissant, capable de nous libérer de tout problème qui nous accable. Tu es celui qui nous comprend et qui agit au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous te demandons. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que Dieu nous préserve de certaines erreurs, que nous puissions éviter de poser des actes qui peuvent envenimer la situation dans nos familles, dans le milieu où nous sommes. Prions le Seigneur pour que nous puissions éviter tout ce qui est syncrétisme, comme Rachel a fait. Il a dérobé les théraphimes de son père. Ce sont des divinités, des idoles que quelqu'un qui croit en l'Éternel ne peut pas emporter avec lui. Prions le Seigneur que Dieu nous préserve de toute forme d'idolâtrie au nom de Jésus-Christ. À toi le Dieu immortel, le Dieu tout-puissant, le Dieu invisible, le seul véritable grand Dieu, celui qui était, qui est et qui vient. Je voulais rendre grâce à celui qui m'a fortifié et qui m'aide et qui soutient ma foi, à savoir Jésus-Christ, notre Seigneur et le Dieu fidèle. Ce matin, nous voulons te prier sincèrement pour que tu nous préserves des erreurs passées, comme Rachel l'a fait. Ô Saint-Esprit, notre Dieu, aie pitié de nous et préserve-nous, que tu nous aides à éviter le syncrétisme, c'est-à-dire ne pas adorer le Dieu véritable, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, et adorer d'autres divinités, c'est-à-dire ne pas faire de pacte avec les sciences occultes, les sciences orientales, ne pas mettre notre confiance dans les marabouts, éviter les gris-gris, les amulettes et tout objet pour nous protéger et pour nous accorder une quelconque vie. Nous prions pour toutes ces personnes-là. Ô Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, touche-les, convainc-les de péché, de jugement et de justice et qu'elles se tournent résolument vers toi en se dédiant à toi, en renouvelant leur alliance avec toi. Car tu es le Dieu qui les aime et qui veut qu'elles soient sauvées. Nous te demandons, ô cher Saint-Esprit, de nous préserver, de nous aider encore et encore à avoir foi en toi dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Parce qu'avec toi, en Christ Jésus, c'est la paix, c'est la joie et c'est la vie éternelle. Merci de nous fortifier, merci de nous aider encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié, rendu grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, qu'il vous accorde la sagesse, l'intelligence et le discernement, afin que vous puissiez toujours marcher d'une manière qui lui est totalement agréable, qu'il vous protège et qu'il vous couvre par le sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.